Venir parmi vous, moi, c'est une surprise pour moi d'assister à un baptême. Déjà, je suis touché et béni et je pense que c'est pas fini. Le Seigneur veut encore nous faire du bien. Alors, je suis heureux d'être ici. Ça fait déjà, je sais pas, 3 ou 4 ans qu'on n'est pas venu. Je dois rembobiner un petit peu pour vous dire ce qui s'est passé dans l'année 2009-2010. Vous avez certainement prié pour nous. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je peux parler devant vous. L'année 2009-2010, ça a été une année difficile pour nous. J'étais en pleine tournée dans les églises pour rendre visite aux partenaires. Et je fais un arrêt de visite chez mon médecin à Toronto. Et là, le médecin découvre qu'il y a un gros nodule du côté ici, du côté gauche de ma glande thyroïde, et plusieurs petits de l'autre côté. Et on me dit, il faudrait que tu fasses faire des échographies de ça. J'ai fait faire les échographies. Ensuite, on m'a dit, il faudrait faire des biopsies. Je fais faire la biopsie. Et on m'a dit qu'il y a une masse cancéreuse là. Alors, du coup, ma femme devait retourner en France pour commencer son travail. Mes enfants devaient commencer l'année scolaire. Ils sont tous partis. Ils m'ont laissé là derrière. Et moi, je savais pas ce qui allait se passer. Je vais donc faire la biopsie. On découvre qu'il y a du cancer. Et on parle avec le bureau de l'association pancanadienne à Guelph. Et eux me disent... Cancer veut dire peut-être traitement, chimiothérapie, et donc on me dit il faut rapatrier toute la famille. Imaginez-vous, ma femme qui a commencé son travail en France, on a une copropriété, on n'a rien ici. Les enfants ont commencé l'école aussi, et du coup, du jour au lendemain, on apprend qu'il faut tous revenir, et on n'avait pas d'endroit où loger, on n'avait pas de voiture, on n'avait rien ici. Il fallait trouver un médecin pour m'opérer. Et le Seigneur, par une succession de ce que j'appelle des petits ou des grands miracles, Dieu a pourvu à tous nos besoins. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on pense à l'année 2009-2010, et pour nous, c'est comme un repère pour nous. Si on veut se souvenir de la bonté, de la fidélité de Dieu, on pense à cette année-là. Ce qui s'est passé en bref, c'est que le 2 novembre 2009, j'entre à l'hôpital, je me fais opérer, on m'enlève la glande thyroïde. 2 jours plus tard, je sors de l'hôpital et une semaine après, j'avais un examen post-opératoire. Je vais à l'examen, c'était le 11 novembre. Le 11 novembre au Canada, c'est quel jour? Le jour du souvenir. Retenez bien ça. Je vais voir mon médecin chirurgien. Ils ont fait l'analyse de la glande thyroïde et elle me dit comme ça, d'une manière assez anodine, écoutez, il n'y a pas de trace de cancer. Les bras me tombent. Et je rentre à la maison, il y avait Carole Allard, une autre missionnaire qui gardait mes enfants, et elle dit, ben écoute Pierre, on va fêter ça, on va au restaurant. Et là, pendant qu'on est en train de manger au restaurant et on célèbre la bonté de Dieu, elle me dit, tu sais quel jour on est aujourd'hui? Le jour du souvenir. Tu sais ce que Dieu est en train de te dire? C'est que tu vas dresser un autel de louange au Seigneur, tu vas te souvenir toute ta vie de ce que Dieu a fait pour toi. Alors moi j'ai eu... une pensée à ce moment-là, je me suis dit, il faudrait que je téléphone au médecin chrétien à Toronto qui a fait la biopsie, peut-être qu'il y a eu une erreur. Alors, le médecin à Toronto, il regarde les dossiers qu'il avait, il a dit, écoutez, monsieur Bolduc, je comprends bien ce que vous me dites. Vous dites qu'il n'y a pas de cancer, d'accord? Moi, sur mes dossiers, je vois bel et bien qu'il y a un cancer. Alors, moi, je me sentais comme la personne dans Jean chapitre 9, l'aveugle né. Il comprenait pas trop ce qui se passait, il était aveugle et maintenant il voyait. Et puis le reste était aux experts d'en débattre. Alors moi, je me suis dit, j'avais un cancer, j'en ai plus. Le reste, vous appellerez ça ce que vous voulez. On a prié et le Seigneur a agi. Et ce qui fait qu'on est ici aujourd'hui. Et merci pour vos prières, parce que je sais que beaucoup de gens se sont mobilisés en France, en Belgique, au Canada, un peu partout, pour prier. Et d'une certaine manière, c'est pas étonnant que Dieu ait agi comme ça, parce que Dieu répond aux prières et il est fidèle. Alors, on est ici aujourd'hui. Et on peut déjà montrer quelques images. Quand je suis revenu du Canada, le Seigneur a touché mon cœur. C'est un peu comme le texte dans le prophète Osée dit, « Je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur. » C'est comme si le Seigneur voulait nous attirer une année à part ici au Canada pour parler à notre cœur. Vous savez, nous, missionnaires, on est axés sur le service. Et à un moment donné, le Seigneur dit, « Le service, tu vas voir, moi je m'en occupe. » Pendant notre absence, il y a eu 17 nouveaux membres qui se sont joints à l'Église. On n'était même pas là. Et Dieu a fait grandir son Église. Il s'est occupé de l'Église. Mais il nous a dit, je vais m'occuper maintenant du serviteur. J'ai 2 mots à te dire. Je veux te parler. Et c'est ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur nous a montré que on devait modifier un peu notre ministère. On est passé de 50% de notre temps à l'église de Noisy-le-Grand à 25% de notre temps, et on a fragmenté notre ministère en quatre parties de 25%. Premier 25% à l'église de Noisy, voici le groupe de maison. Trois ou quatre jours avant que je quitte, je suis arrivé le 1er juin, on a eu notre dernière réunion du groupe de maison. On avait une vingtaine de personnes qui ont mangé et puis on s'est rappelé les bonnes choses de Dieu, les bonnes choses que Dieu a faites parmi nous. Cette année, on a appris comment être de bons témoins dans la vie quotidienne, et ensuite on a étudié les sept signes dans l'évangile de Jean, les sept signes miraculeux. Alors le groupe de maison, on peut changer. Alors dans ce groupe de maison, il y a quelques semaines, le Seigneur nous a fait un beau cadeau. Je vais chercher ma fille à l'école à tous les jours. Un lundi après l'école, il y a cette voisine ici au milieu qui s'appelle Odette. Et son fils venait manger à la maison de temps en temps. Et un jour, son fils s'est échappé. Vous savez, les enfants de 10 ans, ils disent des choses qu'ils ne devraient pas dire. Et il nous a dit, maman et papa vont se divorcer. Alors nous, on n'a pas trop parlé, on a gardé ça dans notre cœur. On priait pour Odette et pour Stéphane. Odette, elle est venue me voir un lundi après les cours. Elle est venue me dire, Pierre... Mon beau-frère m'a amené dans une église évangélique et Dieu m'a percuté. Alors, et ensuite, elle commence à me poser toutes sortes de questions. Est-ce que votre église, vous, qu'est-ce que vous enseignez? Est-ce qu'il y a des églises évangéliques tout près? Etc., etc. Ce qui fait qu'elle a commencé à venir à notre groupe de maison. Elle a commencé à connaître le Seigneur. Elle est venue au culte. Et elle nous dit elle-même, il y a 6 mois, j'étais athée. Et le Seigneur, dans sa bonté, l'a attirée et Dieu est en train de faire une œuvre profonde dans sa vie, malgré toutes les choses difficiles qu'elle vit avec son mari. OK, prochaine diapo. Un jeune Camerounais. Il y a des Camerounais ici? Alors, ce jeune Camerounais, il est arrivé chez nous, étudiant. Il était dans le nord de la France et il s'est joint à notre église, jeune converti. Lui, il a connu le Seigneur en lisant la Bible tout seul. Apparemment, dans son village, il avait une mauvaise réputation, les 400 coups, loin du Seigneur. Et en lisant la Bible, Dieu l'a touché et il s'est converti. Et lui... En venant dans notre groupe, moi, mon ministère, c'était surtout l'évangélisation. Il a voulu me suivre un petit peu et il m'a dit, Pierre, je te prends comme mentor et j'aimerais te suivre dans ce que tu fais. Alors, je l'ai pris sous mon aile, on a fait des visites, des sondages, il est venu au marché avec moi et il veut beaucoup apprendre. C'est un gars qui a un don. Très souvent, à l'église, il amène des nouveaux et c'est vraiment beau de voir ce que Dieu fait dans sa vie. Alors, priez pour Gaël. Autre diapo. Il y a dans la vie d'église des fois des situations qui sont difficiles. Cette fille, Léa, elle habitait chez moi pendant que j'étais malade, une chrétienne. Elle s'est amourachée d'un jeune monsieur qui n'était pas encore converti. Et c'est difficile parce que nous, on aurait souhaité qu'elle fréquente un monsieur qui a la même foi que lui, parce que ça crée toutes sortes de problèmes quand les gens n'ont pas la même foi. Mais on s'est dit... On peut pas l'abandonner, il faut faire quelque chose, l'accompagner, l'aider, parce qu'elle avait déjà décidé de la date du mariage, avait déjà décidé tout ça. On s'est dit, qu'est-ce qu'on fait, nous, maintenant? On a décidé de prendre Loïc, son copain, qui est quand même ouvert à l'Évangile, et il a voulu faire des études bibliques avec nous. Et on a commencé à étudier la Bible. Au début, il pensait que la conversion, c'était simplement de changer de religion. Alors, on lui a expliqué, c'est pas une question de changer de religion, c'est une relation personnelle avec Jésus. Il a étudié avec nous et dernièrement, il a confessé le nom du Seigneur Jésus. Mais priez pour eux parce que cet été, ils vont se marier. Et on a fait aussi des cours de préparation au mariage avec eux. Prochaine diapo. Noisy-le-Grand. Janine aussi a été responsable d'un groupe de maisons. Et elle avait une jeune femme, Élise, et une autre, Sylvia. Sylvia qui avait été rencontrée quand on faisait des sondages dans la rue il y a deux ans. Et elle est d'origine suisse, une Suissesse. Et donc, elle n'est pas encore baptisée, mais elle se met à apprendre la parole de Dieu et on espère que bientôt elle pourra être baptisée. D'ailleurs, parenthèse, aujourd'hui, dans notre église à Noisy-le-Grand, il y a aussi 4 baptêmes. Alors, on est en communion avec vous, il y a aussi des baptêmes là-bas. Prochaine diapo. On a fait cette année des distributions mensuelles. Alors, on peut dire, qu'est-ce que c'est que mettre un petit tract dans une boîte aux lettres? C'est pas grand-chose. Mais on a découvert, nous, avec le temps, que Dieu aimait se servir des choses folles et faibles du monde. Et si Dieu décide de bénir ce moyen-là, Dieu peut tout. Et ce qui fait qu'en faisant des distributions comme ça, on a eu 2 nouvelles personnes qui se sont jointes à l'Église. On est très encouragé par ça. Prochaine diapo. À chaque année, au mois de novembre, on fait imprimer des cartes réponses, offres de calendrier biblique gratuites. Et on distribue, on en avait 5 000 à distribuer l'année dernière. Et quand les gens répondent, ils disent qu'ils veulent volontairement avoir un calendrier, on va leur remettre en main propre et on leur souhaite joyeux Noël, bonne année. Et on a eu justement, il y a 3 ans, on a eu 3 réponses. C'est pas beaucoup. L'année dernière, on a eu 50 réponses, 60, et cette année 70. Donc le Seigneur ajoute, et là ça fait des personnes qu'on peut inviter quand on a des événements spéciaux, et des personnes qui ont la parole de Dieu et qui peuvent la lire à tous les jours. Et ça c'est notre joie de penser qu'une fois que les gens ont entre les mains la parole de Dieu, la parole elle-même est puissante pour changer les vies. Cette année aussi, à Noisy-le-Grand, on a eu des repas entre hommes. Alors les femmes avaient l'habitude de faire toutes sortes de réunions, et les femmes aiment bien se réunir, les hommes c'est un peu plus difficile parfois. Alors on s'est dit, on va faire quelque chose qui colle avec la personnalité des hommes, on va aller au restaurant, bonne bouffe, les Français aiment bien manger, et puis on va inviter des conférenciers. On a eu Guy Leduc qui nous a parlé de 2012, cinéma et réalité. Je sais qu'on parle beaucoup de 2012 avec le calendrier Inca. C'est un sujet qui a intéressé beaucoup de gens. Il y avait à peu près 10 de nouveaux invités par l'Église à ce moment-là. Et tout dernièrement, faut-il avoir peur de l'avenir? Café débat animé par un jeune de notre église et un autre pasteur de notre région. Les Français, c'est un peuple assez méfiant et assez craintif de l'avenir. Et donc, on a eu aussi des invités, des nouveaux qui sont venus là. Et donc, c'était très intéressant. Prochaine diapo. Une autre partie du 25% de ministère, c'était au niveau de l'association régionale. Comme mon ministère, c'était l'évangélisation, certaines églises avaient besoin d'être encouragé dans l'évangélisation, donc on m'a demandé d'aller faire de la formation, d'aller prêcher de temps en temps, et donc il y a eu 25% de mon temps qui a été alloué à cela. Prochaine diapo. Alors j'ai prêché, j'ai fait des formations dans 2 ou 3 églises, être témoin dans la vie quotidienne. On a pris le livre des Actes des Apôtres, et on a regardé dans le livre des Actes, par exemple, témoin et Saint-Esprit, témoin et souveraineté de Dieu, témoins et prières, témoins et églises locales, et plusieurs séries de leçons comme ça, une après l'autre, dans les églises. Et j'ai aussi prêché. On m'a demandé de faire le suivi pastoral de nouvelles églises avec de jeunes pasteurs. J'ai fait à l'église de Brie-sur-Marne et de la Garenne-Colombes, les églises en région parisienne. Prochaine. On m'a aussi cette année demandé d'aller prêcher l'évangile parmi les détenus dans une prison. Alors j'ai été très très touché de voir à quel point il y avait des gens là qui avaient soif de Dieu. La dernière fois que je suis allé, il y avait un homme qui était à genoux par terre et qui priait et qui demandait pardon au Seigneur, il se sentait tellement coupable. Vous savez, ces gens-là, on n'a pas besoin de leur dire qu'ils sont coupables, ils le savent. Ils ont besoin de connaître le pardon du Seigneur et de savoir qu'il y a une solution. Dieu, Jésus-Christ, pardonne les péchés. Prochaine diapo. Ça m'est arrivé aussi de faire le marché à Nogent-sur-Marne, une ville très huppée à l'est de Paris. Et je me suis dit, parmi les gens riches comme ça, est-ce qu'on va pouvoir annoncer un message comme l'Évangile? J'étais agréablement surpris de voir que malgré l'opulence des gens, il y avait une soif et faim de l'Évangile là aussi. Et donc on a un stand et vous voyez ici, il y a un jeune Kabyle, un Algérien d'origine Kabyle qui est en train de témoigner à une musulmane. Et on a eu des contacts aussi parmi les musulmans. Et l'autre qui m'aide, c'est un Espagnol catalan de Barcelone. Vous voyez, c'est très international dans la région parisienne. OK, on peut changer. On m'a demandé aussi, pour le 25% de mon temps accordé à l'évangélisation parmi les musulmans, on m'a demandé de faire une traduction d'un cours qui ressemble au cours Alpha. Ça s'appelle Alif. Et c'était en anglais. On m'a demandé d'aider à traduire aussi en français. Ensuite, j'ai fait 2 marchés cette année, 2 marchés à Ménilmontant, dans un quartier de Paris, et à Saint-Denis, dans un quartier où il y avait une grande concentration de musulmans. Et là, on était une équipe internationale. Il y avait des Kabyles, il y avait des Égyptiens qui parlent arabe, il y avait des Australiens, Américains, Canadiens, un Serbo-Croate, et on formait toute l'équipe et on annonçait l'Évangile aux musulmans. Et je peux vous dire que nous, on a vu des personnes confesser le nom du Seigneur Jésus, des musulmans. Et là, on a prié avec eux et parfois, pendant qu'on était en train de prier, il y a quelqu'un qui venait, un musulman très religieux avec le petit chapeau là et puis la tunique, qui venait, t'as pas le droit de faire ça. Et il y en a un, à un moment donné, qui est venu, j'étais en train de donner des tracts et de parler de Jésus. Il vient avec sa chaussure, il était vendeur de chaussures, il vient et puis il voulait me taper comme ça. C'est pour dire que c'est un combat spirituel aussi, mais nous, on fait pas de provocation. On cherche pas à créer des ennuis, on veut pas provoquer, mais on sait que c'est pas un terrain spirituel neutre. Priez pour ça. OK? Alors, les musulmans, avec une équipe JBEC, on est allé à Marseille et on a travaillé avec les groupes Oasis et les groupes qui enseignent l'Évangile aux musulmans. Et là, on a fait des soirées québécoises. Une fois, on a fait une soirée en collaboration avec des musulmans convertis. C'était une soirée arabo-québécoise. Fallait voir ça. Eux chantaient des chants en arabe, nous, on chantait des chants québécoises. Ils avaient leur danse, on avait nos danses et puis c'était magnifique. Donc, s'il y a ici des jeunes qui pensent faire JBEC, à chaque année, on aura des équipes qui vont aller justement en France et parfois témoigner parmi les musulmans. OK? Alors, d'autres activités par rapport aux 25% de ministères parmi les musulmans. J'ai suivi une formation en islamologie pour pouvoir être mieux apte à parler aux musulmans. On a fait un voyage d'exploration à Marseille pour pouvoir aller témoigner parmi les musulmans qui sont très nombreux à Marseille. Évangélisation avec une équipe OM et c'était une équipe égyptienne, donc on abordait les musulmans, eux leur parlaient directement en arabe, c'était extraordinaire, et des Égyptiens chrétiens. Présentation sur l'islam à l'église de Noisy-le-Grand, et assistance ponctuelle à la Casbah. La Casbah, c'est quoi? C'est un endroit qu'on a loué en plein Paris, dans le 4e arrondissement. Ils ont transformé ça en une Casbah. Alors, quand tu rentres là, t'enlèves les chaussures, il y a une décoration qui ressemble au Maroc, et puis c'est des chrétiens qui donnent des conférences. Les musulmans viennent là, ils se croient dans une mosquée. Ils rentrent là, et puis c'est des chrétiens qui animent et qui annoncent l'Évangile. Et on sert des produits, des petits plats, des desserts d'Afrique du Nord. Donc j'ai pu aller quelques fois là-bas, c'était très intéressant. Prochaine diapo. Mission court terme. Alors juste après que je quitterai ici, je vais aller à Saint-Césaire avec Jean-Pierre Gagné. On est en train de préparer une équipe qui va aller encore cette année en France, des Gibécois. L'année dernière, on a fait trois villes. On a fait Noisy-le-Grand, mon église à moi, Esbly, une autre église en région parisienne, et on est allé dans le sud de la France, à Marseille, parler aux musulmans. Et cette année, il y a encore trois autres villes qu'on va visiter, et les jeunes vont annoncer l'Évangile, et on les prépare pour ça. Donc ça fait partie du ministère du dernier carton que j'avais l'année dernière. OK. Alors, on a des photos de ça, les marchés, les clubs d'enfants. On peut continuer. Alors, à Traite, dans le sud de la France, les cigales et la garrigue et le temps chaud. Et on a aussi annoncé l'Évangile là. L'avenir. Je parlais de l'année dernière, on avait quatre cartons. On a dit adieu à l'église de Noisy-le-Grand à la fin du mois de juin. Et quand je retourne au mois d'août, on va commencer un nouveau ministère dans le Val d'Europe. Le Val d'Europe, c'est un regroupement de 5 villes. Il y a à peu près 30 000 personnes qui habitent là. Et l'année prochaine, il y en aura 60. C'est près de Disneyland Paris. Pensez à l'ombre des oreilles de Mickey, mais on va être là. On sera dans ce coin-là. Et il y a beaucoup à faire. D'après des statistiques, cette région de France, c'est la région économiquement la plus dynamique de toute la France, mais très, très pauvre spirituellement. On va faire partie d'équipes mobiles, c'est-à-dire que on va être avec 4 ou 5 personnes et nous, on va se déplacer. On va commencer une œuvre là, un peu comme les équipes de l'apôtre Paul. Quand ils avaient fini quelque part, ils installaient un pasteur et eux, ils partaient dans d'autres régions pour démarrer des églises. Et c'est ce qui va se faire. Déjà, on a Val d'Europe comme cible pour les premiers 5 ans peut-être. Et après, on peut changer. Vous voyez, Val d'Europe, c'est juste là, Disneyland, un peu à l'est. Lagny-sur-Marne, c'est l'église mère. Et le prochain projet, après, ça sera Shell. On peut changer. Bon, là, on a Val d'Europe, le petit groupe. Il y a déjà une vingtaine de personnes qui se réunissent là. On peut continuer. J'aimerais vous parler très rapidement de Bruno et Betty. Ma fille allait faire des cours de gymnastique et moi, j'allais la conduire. Et à un moment donné, j'étais là en train de parler à Anne-Sophie, je lui parlais en anglais, et le monsieur, c'est un Africain qui est d'Afrique francophone, anglophone, et il m'entend parler anglais, il se demande qu'est-ce que je fais là, et moi j'aime bien quand les gens me demandent ce que je fais, parce que je leur dis que je suis missionnaire, pasteur et protestant, et j'annonce l'Évangile. Donc c'est très intéressant, j'ai eu l'occasion de lui parler de l'Évangile, et il s'est vraiment intéressé, on lui a donné un calendrier biblique. L'année suivante, il a commandé 10 calendriers bibliques parce qu'il est chef d'entreprise et il voulait les donner à ses employés. Et cette année, il nous a commandé 20 calendriers bibliques, puis il voulait les donner à ses employés. Et là, il s'est trouvé que cet homme-là habite à Val-d'Europe, là où nous, on déménage. Alors, c'est très intéressant qu'on va le revoir et il s'est attaché au groupe de maison. Alors, priez pour lui. OK, on peut continuer. Lagny a aussi comme visée de commencer une église à Chelles. Chelles, c'est la plus grande ville de notre département de Seine-et-Marne, et il n'y a pas d'église évangélique encore. Donc ça c'est pas pour tout de suite, mais ce sera le prochain projet après le Val-d'Europe. Mais priez, il y a déjà un groupe qui se réunit, des chrétiens qui aimeraient bien voir naître une église là-bas. On peut continuer. Alors la famille, je suis tout seul, pauvre moi, je m'ennuie de ma femme. elle est à Paris parce qu'elle enseigne l'anglais à la Maison pour tous, qui est comme un centre communautaire, et son année scolaire finit le 2 juillet. Et mes enfants, les deux plus jeunes, n'ont pas fini l'année scolaire. Mon plus vieux, l'aîné, est à l'Université de Montréal. Il n'a pas été touché, lui, par les grèves. Il a pu finir son année en mathématiques et il a trouvé un job d'été dans le Vieux-Montréal. Priez pour lui. Alors voilà. Je trouve que notre travail en France, ça ressemble à ça. J'ai une balconnière et on a planté des fraisiers. Et à un moment donné, il y a du fruit. N'est-ce pas que le travail de l'Évangile, c'est un petit peu comme ça? On plante et puis à un moment donné, il y a du fruit et on récolte. Voyez les belles fraises. Ça, c'est sur mon balcon. Amen. D'accord, c'est terminé pour la présentation PowerPoint et je pense qu'on peut passer à l'enseignement de la parole de Dieu maintenant. Question. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé à vous d'avoir soif? Mais je ne dis pas juste un peu soif, mais très soif. Vous êtes en plein été, en train de faire du vélo peut-être, ça pédale fort, il y a des côtes à pic, et là vous avez soif. Ou peut-être vous êtes sous un soleil de plomb. Vous réparez la toiture de votre église. Et il fait chaud, en plein midi, soif. Votre gorge est sèche et vous avez envie de boire. Ou peut-être pour ceux qui sont moins intrépides et qui ne montent pas sur les toitures, vous êtes en train de faire du jardinage en plein midi et il fait chaud. Les grosses gouttes de sueur coulent de votre front. Soif. Le texte que j'ai choisi ce matin de partager avec vous nous parle de la soif, mais pas seulement. C'est un texte qui nous parle de l'eau et d'être désaltéré. Alors, on va prendre le temps de lire ce texte qui se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 4. On va lire des versets 1 à 42. Donc, Jean 4, 1 à 42. On peut commencer au verset 3, en fait. Jésus quitta la Judée et retourna en Galilée. Mais comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie qui était nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Et là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, il était assis au bord du puits, et c'était environ la sixième heure. Une femme de Samarie vient puiser de l'eau, et Jésus lui répondit, « Donne-moi à boire !» Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment, toi qui es juif, me demandes-tu à moi à boire ? Moi qui suis une femme samaritaine. Les juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les samaritains. » Et Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et puis le puits est profond.

Ben, ce sont des populations métissées qui habitent sur le territoire situé entre la Judée qui est au sud et la Galilée au nord, entre les deux, les Samaritains. Ce sont les descendants des Samaritains qui avaient été déplacés des régions païennes qui avaient été conquises par les Assyriens jusqu'au territoire d'Israël. Donc des populations déplacées. Aujourd'hui, on appellerait ça un nettoyage ethnique. C'est ce qui se passait. C'était la méthode des Assyriens. Mais une fois en Israël, ces païens s'étaient mariés avec des Israélites. Et ils avaient adopté certaines de leurs coutumes. Et les Samaritains avaient fait de la religion juive une sorte de millimélo, un syncrétisme. Un syncrétisme que tout bon juif digne de ce nom devait rejeter. Ils avaient corrompu la religion d'Israël. Alors Jésus aurait pu éviter de passer par la Samarie, comme beaucoup d'autres juifs le faisaient. Mais le texte nous dit qu'il fallait. Il fallait qu'il passe par ce territoire. Intéressant les deux petits mots. Il fallait. Jésus a décidé de prendre cette route parce qu'il fallait. Dans son plan parfait, parce que Dieu a un plan, dans son plan parfait, Dieu voulait qu'il emprunte ce chemin-là. Et Jésus a écouté la voix de Dieu. Il s'est laissé guider par son Père avec confiance. Jésus était sensible à la direction de Dieu dans sa vie. Et il a vu la puissance de Dieu se manifester. Je dirais une chose ici. Ceux qui se laissent guider par Dieu, même aujourd'hui, découvrent aussi que Dieu a préparé des rencontres providentielles pour eux. Laissez-vous guider par Dieu. Dieu prépare des rencontres providentielles pour vous. Donc, il fallait. Jésus donc passe par la Samarie et s'arrête à Sichar. Jésus, dans ce passage, apparaît comme un non-conformiste. Moi qui ai connu le Seigneur dans les années 70, c'est à la mode le non-conformisme, n'est-ce pas? Aujourd'hui, un peu moins vrai. Jésus, un non-conformiste. S'il avait fait comme tout le monde, il ne serait pas passé par la Samarie. Mais non. S'il s'était soumis aux conventions admises à son époque, il n'aurait jamais parlé à une Samaritaine. Ça ne se faisait pas. Pour les Juifs, les Samaritains, on l'a dit, c'était considéré comme des impurs. Jésus, un non-conformiste. Jésus ne se plie pas aux coutumes de la majorité quand ces coutumes-là sont mauvaises. Une autre raison qui aurait pu pousser Jésus à ne pas adresser la parole à cette Samaritaine au puits de Jacob, c'est tout simplement qu'elle était une femme. Oui, c'était comme ça à l'époque. Oui. On était loin, loin, loin de la libération de la femme, là, à l'époque. Les rabbins, au temps de Jésus, estimaient indigne d'un homme de parler avec une femme. Tout simplement. Mais Jésus n'hésite pas à mettre de côté les règles de la bonne société. Il n'hésite pas à remettre en cause les préjugés de son époque quand il s'agit de faire connaître l'amour de Dieu au monde. Nous aussi, on est appelés à ça. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour comprendre quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12, versets 1 et 2. J'aimerais attirer votre attention maintenant sur un autre détail du texte qui m'a beaucoup touché, moi. Et c'est cette petite phrase, toute petite phrase, « Donne-moi à boire, donne-moi à boire. » C'est une phrase surprenante dans la bouche du Christ, n'est-ce pas? Jésus, qui a tout pouvoir, Jésus qui possède la souveraineté sur tout, Jésus qui incarne à la fois la vérité, la lumière, la vie, l'éternité, Jésus ici, il se rend vulnérable en face d'une inconnue. Vulnérable. Jésus ne joue pas au surhomme. Vous avez remarqué ça? Il expose sa faiblesse. Il ne cache pas ses besoins. Il est prêt à recevoir quelque chose de cette pauvre femme qui est méprisée dans la société de l'époque. Il est prêt à recevoir. Normal? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Même que la femme samaritaine semble prise par surprise quand Jésus lui parle comme ça. Elle est surprise elle-même. Donne-moi à boire. Alors, cette petite requête de Jésus nous en dit long, en fait, sur sa personne. Dans son incarnation, le Fils de Dieu a soif. Il est fatigué. C'est un vrai homme. Il se place dans une position où il a besoin des autres. Lui, le Tout-Puissant. Et il accepte qu'un plus petit que lui l'aide. Un plus petit que lui. Est-ce que nous aurions fait la même chose? Mettez-vous à sa place. Quelle humilité. Je crois qu'il y a une leçon pour nous aussi. Alors, dans la suite du récit, l'apôtre Jean passe du besoin de Jésus à celui de la femme. Jésus, il a un besoin, il a soif. Et là, on passe au besoin de la femme. Jésus, il sait, lui, qu'il a soif. Il le sait. Et il a besoin de boire de l'eau. Mais, vous avez remarqué dans le texte, à cause de considérations ethniques et religieuses, la Samaritaine ne va pas lui donner de quoi boire. Remarquez, dans la suite du récit, elle lui donnera jamais de quoi boire. Pendant tout le reste du récit, Jésus continuera d'avoir soif. Par contre, cette pauvre femme, elle aussi, elle a un besoin d'eau. Mais elle ne le sait pas encore. Voyez, elle aussi, elle a besoin d'eau, mais elle ne sait pas encore. Et c'est le dialogue avec Jésus qui va l'amener à prendre conscience de son besoin d'eau. En France, en 2003, il y a eu une grande canicule, très très chaud. Et vous avez entendu parler à la télé, dans les journaux ici. Il y a des personnes âgées qui sont mortes. Pourquoi? Parce qu'elles devaient boire, mais elles ne savaient pas. Les personnes âgées ne ressentent pas la soif et elles peuvent mourir si elles ne boivent pas. C'est un peu comme ça ici. C'est un peu comme ça. On n'est pas au fond très différent de cette femme-là. Avant d'entrer en dialogue avec Jésus, avant d'entendre la parole de Jésus dans notre vie, nous aussi, on ignore qu'on a un problème spirituel, n'est-ce pas? On ne sait pas. On n'a pas vraiment conscience de notre soif spirituelle. Mais c'est à l'écoute de la parole de Dieu que nos véritables besoins spirituels vont faire surface. Tu te mets à l'écoute de la parole de Dieu et Dieu te montre ton besoin. Donc Jésus éveille chez cette femme quelque chose de profond, quelque chose qu'elle avait enfoui, réussi à étouffer sous plusieurs couches de relations humaines une après l'autre. Alors comment Jésus éveille-t-il cette femme à ses besoins spirituels? Comment il fait? Cette Samaritaine rejetée, méprisée, marginalisée, comment Jésus fait? Eh bien, Jésus la considère, il la respecte, il l'honore. Elle semble importante pour lui. Il y a peut-être très très longtemps que cette femme n'avait pas été traitée comme Jésus la traite là. Très très longtemps, imaginez. C'est un rebut cette femme. Jésus, en bref, il l'aime, tout simplement. Et qu'est-ce qu'il lui dit, Jésus? D'une manière assez énigmatique, il lui parle d'une eau meilleure que celle qu'il a toujours puisée au puits de Jacob. Alors, quand on est dans la situation de la Samaritaine, on ne peut qu'être très sensible à ces paroles-là. Une eau meilleure. Est-ce que tu en veux? Bien sûr. Jamais personne ne lui a parlé de ce genre d'eau. Personne ne lui a fait une promesse aussi forte. Trouver une eau vive qui va la satisfaire enfin. Avoir une source dans son cœur. Une source qui ne tarira jamais. Alors ça, c'est assez pour piquer sa curiosité, je peux vous le dire. Mettez-vous à la place de cette Samaritaine. Elle a cherché toute sa vie quelque chose qui pourrait la combler. Elle y a mis tout son cœur. Et cette quête l'a amenée à faire des mauvais choix. C'est comme ça parfois. Quand le besoin est tellement urgent, on va au plus direct, au plus rapide, et on fait des mauvais choix. C'est ce qui lui était arrivé. Parce qu'elle a voulu apaiser sa soif n'importe comment, elle s'est retrouvée encore plus mal. Rejetée, marginalisée, seule, méprisée, toujours assoiffée. Et elle porte en plus le poids de ses fautes, de sa culpabilité. Et voilà que cet homme-là, qu'elle ne connaît même pas, il lui parle de ce qui peut enfin apaiser sa soif. Mettez-vous à sa place. C'est la chance de sa vie. La chance de sa vie. Jésus lui offre de son eau. Et elle dit oui. Elle est d'accord. Elle a envie d'avoir cette eau vive. Et à ce moment-ci, dans le texte, il y a quelque chose qui bascule. Jésus, il a toute son attention. Et on s'attend à ce qu'il lui donne de cette eau spirituelle, là, sur le champ, au bord du puits, tout de suite, sans attendre. Mais Jésus est déroutant parfois. Jésus ne le fait pas. Il lui donne pas l'eau tout de suite. Intéressant, non? Pourquoi Jésus l'a fait attendre? Pourquoi? Eh bien, parce que la Samaritaine a besoin de savoir, pour pouvoir changer vraiment, elle a besoin de savoir pourquoi sa soif n'a jamais été apaisée auparavant avec les moyens qu'elle s'était donné elle. Pourquoi ça n'a pas marché? Elle doit comprendre pourquoi ce qu'elle a choisi pour se désaltérer avant n'a fait qu'augmenter sa souffrance. Il faut qu'elle le sache. Et Jésus va lui dire pourquoi. Jésus lit dans sa vie, comme dans un livre ouvert. Jésus, ce matin, lit dans notre vie, comme dans un livre ouvert. Cette femme, en fait, avait essayé d'étouffer sa soif en ayant plusieurs hommes dans sa vie. Cinq maris, celui avec qui elle vivait n'était même pas son mari. Même après cinq échecs, elle restait persuadée qu'un homme pouvait la satisfaire. Cinq échecs, elle croyait encore qu'un homme pouvait la satisfaire. Et même s'il s'agit du meilleur des hommes qui se trouve ici, levez la main, le meilleur des hommes ici. Eh bien, j'ai une petite nouvelle. Même s'il s'agit du meilleur des hommes qui sont ici, un homme ne peut jamais répondre aux besoins les plus profonds d'une femme. Amen. Moi, j'ai essayé, ça marche pas. On peut pas. On ne peut qu'être déçu si on demande à un homme de remplir ses besoins et vice-versa, une femme remplir les besoins de l'homme. Pour la Samaritaine, les relations amoureuses devaient lui donner le bonheur, un vrai sens à sa vie. Un mari allait combler le vide de son cœur pour toujours. Elle attendait que son vœu se réalise. Elle attendait, mais rien. Rien. Jamais rien. Toujours rien. Toujours ce vide. Pour d'autres personnes, ça va être le travail. La drogue peut-être, le prestige, les diplômes, la carrière qui servira à remplir le vide. On peut trouver toutes sortes de choses pour chercher à remplir le vide. Mais tant qu'on n'a pas trouvé l'eau vive dont Jésus parle ici dans le texte, on va essayer d'étancher sa soif avec toutes sortes d'autres choses. Jésus ici, il démasque dans Jean chapitre 4, il dénonce comme une vraie idolâtrie moderne toutes ces choses-là qui tentent de combler le vide d'un cœur humain en s'érigeant comme un absolu dans nos vies. Hein? Il y a beaucoup de choses dans la vie qu'il faut accueillir comme un don de Dieu. L'argent, les relations humaines, la beauté, la santé, la bonne réputation, les diplômes, un don de Dieu. Et il n'y a pas de mal à jouir de ce que Dieu nous donne. Pas du tout. On dit merci Seigneur. Mais c'est seulement lorsque les dons de Dieu prennent la place du donateur dans nos vies que nos cœurs restent assoiffés. On se trompe. On met le don avant le donateur et là on a soif. C'est ce que Jésus fait comprendre à cette femme ici. La femme samaritaine avait tout misé sur des relations avec des hommes. Sa soif avait augmenté. Et comme elle, nous, on a besoin d'entendre Jésus nous dire l'erreur qu'il y a à chercher notre satisfaction spirituelle dans le don plutôt que dans le donateur. Arrêtons-nous un instant à la façon dont Jésus s'est révélé à ces femmes. très intéressant. Dans tout le texte, comment Jésus s'est-il révélé à cette femme? Au début, Jésus se présente comme un homme ordinaire. La femme, elle ne sait pas du tout qui il est. Elle le voit comme un juif sans distinction. Mais au fil de la conversation, sans doute à cause de sa façon de lui parler, la Samaritaine va reconnaître Jésus comme un maître, un rabbin, un homme qui enseigne. Et elle s'ouvre à ce qu'il va lui enseigner. Et Jésus l'intrigue. Quand Jésus lui révèle ce qui s'est passé dans sa vie, elle le reconnaît ensuite comme un prophète de Dieu. Il m'a dit ce que je vivais, prophète de Dieu. Après que Dieu lui ait expliqué le genre d'adoration que Dieu demande, il lui dévoile son identité et elle l'accepte comme le Messie. Et à la fin, Jésus se révèle non seulement comme le Messie, mais comme le Sauveur du monde. Et là, la Samaritaine, elle n'est pas la seule à savoir qu'il est le Sauveur du monde. Plusieurs autres découvrent la même chose. Voyez-vous la progression? Un homme ordinaire, un enseignant, un prophète, le Messie et le Sauveur. On a besoin, nous aussi, que Jésus nous révèle sa vraie identité. Il ne faut pas s'arrêter en chemin. On peut accepter qu'il est un bon enseignant ou un prophète. Il faut aller plus loin. Il faut le découvrir comme Sauveur. La femme était venue au puits à midi avec sa cruche. Après que Jésus lui ait dit qu'il était le Messie, sa cruche, elle l'a laissée derrière elle. Qu'est-ce que ça signifie? Cette vieille cruche, c'était en fait comme la vie qu'elle avait auparavant. Ses habitudes, ses moyens de combler sa soif avant de rencontrer Jésus. Tout est abandonné derrière elle. Avec joie, elle a trouvé mieux, infiniment mieux. Et à présent, c'est du trop plein de son cœur qu'elle court dire aux autres qu'elle vient de découvrir le Messie. Son cœur vide autrefois, il déborde maintenant. La source d'eau jaillit. Elle arrose même ceux qui viennent en contact avec elle. L'évangélisation, c'est un cœur qui déborde. Ça arrose les autres. Qu'est-ce qu'on peut apprendre ce matin, en terminant, par le récit de Jean 4? Le récit de Jean 4 nous raconte l'histoire d'une femme qui ignore sa soif. Je vous dirais que beaucoup de personnes dans notre société sont comme cette femme samaritaine que Jésus a rencontré au puits de Jacob. Beaucoup de personnes ne savent même pas qu'ils ont soif, ni de quoi ils ont soif. Il y a bien un malaise, une sensation de vide, un sentiment de manque, mais on ne sait pas très bien pourquoi. Et c'est peut-être le cas de certaines personnes qui sont ici ce matin. On peut passer sa vie à essayer d'apaiser cette soif, mais sans savoir d'où elle vient et sans comprendre pourquoi il y a ce malaise et ce vide dans ta vie. Qu'est-ce qu'il faut faire avec la soif? Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette soif? L'ignorer? Faire comme si elle n'existait pas? Attendre qu'elle parte tout seule? Je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui choisissent cette option-là. Ils passent leur vie à faire taire cette petite voix qui tente de leur dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous savez, c'est un peu comme quelqu'un qui voit un voyant rouge qui s'allume sur le tableau de bord de sa voiture. Ça vous est arrivé, ça? Tu roules tout à coup, pip, voyant rouge. Mais il décide, le gars, de ne pas s'en occuper. La voiture va continuer à rouler pendant un certain temps. Mais tôt ou tard, il va falloir faire attention au signal rouge qui apparaît. Autrement, la voiture va finir par ne plus avancer. C'est bien ce qui arrive parfois, si on essaie d'ignorer. Alors pour ceux ce matin qui ont remarqué un voyant rouge qui s'allume dans leur vie, pour ceux qui ont soif, honnêtement, Jésus ce matin veut nous dire qu'il a une eau supérieure à celle qu'on a connue jusqu'à présent pour apaiser notre soif. Il veut nous montrer pourquoi on a encore soif après avoir bu à toutes les eaux stagnantes que le monde offre. Jésus désire ce matin nous faire découvrir une source qui va jaillir dans notre cœur jusque dans la vie éternelle. Jésus désire qu'en trouvant cette source, on abandonne aussi notre vieille cruche, la vie ancienne, les méthodes qu'on s'était données pour essayer de combler sa soif. Jésus nous invite à devenir des vrais adorateurs de Dieu, en esprit, en vérité, en le reconnaissant comme Messie et Sauveur. S'il y a quelqu'un ce matin qui veut faire ce choix-là, on va prier à la fin et tu peux dire dans ton cœur silencieusement, personne ne sait, c'est entre toi et Dieu. Mais tu peux dire, Seigneur, moi, j'en ai assez de ce voyant rouge qui s'allume et j'en ai assez de cette soif que j'essaie de combler par toutes sortes de choses et dire, Seigneur, viens, viens dans ma vie. Je termine par une lecture, l'Évangile de Jean, chapitre 7, versets 37 à 39. C'est un appel de Jésus. C'est Jésus lui-même qui invite. Et c'est Jésus qui nous invite, nous, ce matin. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Soif, viens Jésus. Il comble la soif. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta façon d'aborder les gens, ton amour, ta considération pour les plus marginaux, ceux qui sont rejetés, ta manière de toucher dans ton amour, dans ta tendresse pour apaiser la soif, pour changer des vies. Seigneur, il n'y a personne de trop bas ou de trop éloigné pour que tu puisses l'atteindre. Et Seigneur, je prie que si quelqu'un ce matin a entendu ta voix au travers des paroles toutes simples qui ont été dites, je te prie qu'il y ait une réponse personnelle, intime, entre cette personne et toi, une invitation à venir. Et Seigneur, tu nous changes, tu nous combles. Je te remercie, Seigneur, pour ton œuvre ce matin. Merci pour le baptême de Marie-Claude, parce qu'elle est venue aux sources et elle a bu, et tu as désaltéré son cœur. Je te remercie. Au nom de Jésus, amen.